إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، Nous sommes donc au cours numéro 9 du recueil de petits livres du Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab rahimahullah, qui s'appelle El Wajibat al-Mutahattimat al-Ma'rifat ala kulli muslimin wa muslimah. Les obligations qui incombent à chaque musulman et musulmane de connaître. Nous sommes dans, parmi ces épîtres, à l'épître qui se nomme Adillatu hadhihi shurut min kitabillahi ta'ala wa min sunnati rasulihi sallallahu alayhi wa sallam. Donc, les preuves de ces conditions parmi le livre d'Allah et la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et nous les étions et nous oui, nous les étions arrêtés dans la preuve de l'ikhlas, la sincérité, c'est-à-dire adorer Allah Azza wa Jal seul. Son contraire, c'est le shirk, que ce soit le shirk akbar ou asghar. Et maintenant, inshallah, nous allons lire quelques versets de la sourate Yunus. Surat Yunus, du verset 104 au verset 109, Inch'Allah. Qul ya ayyuhan nas, in kuntum fi shak min dini. Dis, ô vous les gens. Donc Allah Azza wa Jal interprète son prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, et lui ordonne ceci. Qul, dis, ya ayyuhan nas, ô vous les gens. In kuntum fi shakkin min dini, si vous êtes à douter dans ma religion, fala a'budu alladhina ta'buduna min dunillah. Alors je n'adore pas ce que vous adorez en dehors d'Allah. La ilaha, donc ça veut dire bien la ilaha illallah, pas de divinité par droit sauf Allah azza wa jalla, pas d'adorer par droit sauf Allah. Walakin a'budu Allah alladhi yatawaffakum, mais j'adore Allah, celui qui prendra vos âmes, c'est-à-dire qui vous fera mourir. Et là aussi, il n'a pas dit j'adore Allah, et il a répété celui qui est mon adoré, mais il les a, comment dirais-je, donné une utilité pour eux. Qui est quoi? Qui c'est qui va vous faire mourir? Ce sont vos divinités? À qui vous devrez rendre compte après votre mort? À vos divinités, à vos statues, aux gens que vous adorez, c'est Allah seul qui vous fera mourir. Et c'est Allah seul qui vous jugera et qui vous enverra soit au paradis ou en enfer. Donc à adorer Allah Azza wa Jal seul. Ensuite, dans le Coran, je continue. Wa umirtu an akuna min al-mu'minin. Et j'étais ordonné d'être parmi les croyants. Wa an aqim wajhaka lid-din hanifa. Et Aqim wajhaka lid-din. Mets ta face, ton visage pour la religion. Hanif, en étant quoi? En étant hanif. Alors hanif, c'est celui qui s'écarte du batil, du faux, vers al-haq, la vérité. Donc c'est celui qui s'écarte du shirk pour l'adoration d'Allah Azza wa Jal seul. D'accord? Donc en étant hanif, hanif qui veut dire je m'écarte du bâtil, du nul, vers la vérité, vers le juste. Et je m'écarte donc du shirk, de l'associationnisme, vers le monothéisme. Wala takunanna min al-mushrikin, et ne sois pas parmi al-mushrikin, les polythéistes. Wala tad'u min dunillah. Et là, Allah Azza wa Jalla donc interdit son prophète de quoi? Wala tad'u min dunillah. Ma la yanfa'uka wa la yadurruk. Et n'invoque pas en dehors d'Allah ce qui ne te profite pas et ne peut pas te nuire. Donc, Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ad-du'a huwa al-ibada. L'invocation, c'est ça l'adoration, avant tout. D'accord? Donc celui qui invoque, celui qui prie, comme on dit en français, on dit invoquer, on essaie de faire aussi une prière. D'accord? Si, par exemple, si je dis, oh Allah, guéris-moi, oh Allah, fais-moi rentrer au paradis, on appelle ça une invocation, mais on appelle ça aussi en français une prière. Donc celui qui donne une invocation, une prière à autre qu'Allah Azzawajal, c'est un mushrik, shirk akbar, c'est un polythéiste du polythéisme majeur, donc il n'est plus musulman, même s'il fait toujours la shahada, il peut jeûner, faire la prière, ce qu'il veut, il finira en enfer éternellement, sauf s'il si se repent, avant de mourir, bien sûr. Car il n'y a pas de repentir après la mort, mais il n'y a pas de repentir au moment où l'esprit commence déjà à sortir. فإن فعلت فإنك إذا لمن الظالمين. Et si tu le fais, donc si tu fais le shirk, فإنك, alors certes toi, إذا, alors à ce moment-là, alors qu'est-ce qu'il y a? من الظالمين, tu es parmi les injustes. الظالمين, les injustes, on en avait déjà parlé, donc je vous ai déjà expliqué au cours dernier, الظلم, la justice. وإن الشرك, la ظلم عظيم, comme Allah Azza wa Jalla a dit, وإن الشرك, et certes donc, le socialisme, le polythéisme, le fait d'adorer Allah, le fait d'adorer autre qu'Allah Azzawajal, la dhulmun azim, est une injustice qui est énorme. Et donc, les mushrikoun sont avant tout des zalimoun, sont des injustes. Et ce sont aussi des fasiqoun. Des transgresseurs, ils ont transgressé ce que Allah Azzawajal leur avait ordonné. Wa iyyam saskallah. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. Et si Allah te touche d'un mal, alors il n'y a rien qui peut l'ôter ce mal. Sauf lui, sauf Allah Azzawajal. Donc n'adorez pas, n'invoquez pas autre qu'Allah. C'est Allah Azzawajal seul qui a le pouvoir. C'est lui qui profite et qui nuit. وإن يريدك بخير فلا راد لفضله. Et s'il veut pour toi un bien, alors il n'y a personne pour détourner son mérite, son bien pour toi. يصيب به من يشاء من عباده. Il atteint de ceci, de son mérite, qui il veut parmi ses esclaves. Et nous demandons à Allah Azza wa Jal qu'il nous atteigne de son meilleur bien qui est l'islam dans cette dunya et de nous faire surtout mourir musulmans. Car celui qui est musulman pendant 50 ans, 60 ans, mais qui, la dernière heure de sa vie, il va devenir mouchrik ou kafir, mécréant, tout son islam de toutes ces années n'auront servi à rien, car il sera mort mécréant. Un individu qui vit 100 ans et qui a passé 99 ans, je ne vais pas dire 99 ans, parce que quand on est jeune, comme normalement vous devez le savoir, surtout quand on est bébé, jusqu'à un certain âge, les premières années, on n'est pas, on est en fin de compte sur la fitra. Mais quelqu'un qui va, on va dire par exemple, depuis son boulour, depuis sa majorité, sa puberté, d'accord? Donc on va dire depuis 15 ans, jusqu'à ses 90 ans, 90 ans, ça va être un kafir, il va être même un ennemi d'Allah, un ennemi de la religion, de l'islam, il va combattre même la religion de l'islam. Mais si la dernière année de sa vie, donc de 90 ans jusqu'à 91 ans, mais même pas. Le dernier moment, la dernière heure de sa vie, il va se repentir, va devenir musulman et il va mourir ceci. Et eh bien, comme vous le savez, il rentrera au paradis. Et tout son péché de ses plus de 80 ans de kufr et de guerre contre l'islam lui seront effacés par son repentir sincère. Et ça, c'est le mérite d'Allah Azzawajal, c'est sa miséricorde qui est vraiment énorme et surtout magnifique. Et nous demandons à Allah Azzawajal qu'il nous donne sa rahma, sa miséricorde, et qu'il nous fasse surtout mourir avec sa rahma. Ensuite, Allah Azzawajal a dit wa huwa al-ghafur rahim. Et oui, wa huwa al-ghafur ar-rahim. Et il est celui qui pardonne beaucoup. Ar-rahim, celui qui fait beaucoup de miséricorde. Qul ya ayyuhan nas, dit ô vous les gens, qad ja'akum al-haqq min rabbikum. Certes, est venue à vous la vérité de votre Seigneur. Et là, certains pourront dire que Al-Haq, c'est-à-dire quoi? Al-Qur'an, nous dirons c'est l'islam, etc. Mais Al-Haq, ça englobe tout ceci. Al-Qur'an, l'islam, le prophète, la sunna. فمن يهتدى فإنما يهتدي لنفسه. Et celui alors qui est bien guidé, alors il ne sera bien guidé que pour soi-même. Ça veut dire que cela lui profitera à lui. ومن ضل فإنما يضل عليها. Et celui qui s'égare, alors son égarement ne sera que sur soi-même, sur ce que sur sa aléa, sur son nefs, sur soi-même. وما أنا عليكم بوكيل. Et là, en parlant du prophète, et je ne suis pas sur vous en tant que garant. وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ. Donc Allah Azza wa Jalla maintenant ordonne son prophète quoi ceci? وَاتَّبِعْ et suis. مَا يُوحَى إِلَيْكَ. Ce que nous te révélons. وَاصْبِرْ et fais le sabre. Et patiente. Supporte. حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ jusqu'à ce que Allah juge. Notamment le jour de la résurrection. وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ et le meilleur des juges. Maintenant, nous revenons au texte du cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, et il a dit, wa qaluhu subhana, et donc sa parole, donc Allah azza wa jal, subhanahu wa ta'ala, wa ma umiru illa liya'budu allaha mukhlisina lahu d-dina hunafa. C'est dans la sourate Al-Bayyinah, le verset numéro 5, en parlant des gens du livre, donc en parlant des chrétiens et des juifs. Et donc, parlons d'eux, et on ne leur a ordonné que de faire quoi? Que lier à Aboulallah, que d'adorer Allah. Mokhlisnahuddina. Al-dinna, le mot din ici, il a un fait al mansoub. Donc, on leur a ordonné seulement d'adorer Allah Azawajal, en étant comment? Parce que mukhlisin, c'est un hal. Pour ceux qui connaissent un peu al-nahou, mukhlisin, ça c'est le hal du verbe liya'boudou. En étant mukhlis, en étant sincère. C'est-à-dire en mettant pur exactement ici, l'ikhlas, mettre la chose khuls. Seulement, pourquoi? Lahou c'est lillah, pour Allah, ad-dina. Ad-dina, j'ai une question. Quel est l'i'rab de ad-dina ici? C'est quoi l'analyse grammaticale de ad-dina? Eh bien, c'est un maf'oul bihi. C'est un maf'oul bihi. Alors, certains se diront maf'oul bihi, mais le verbe ya'boudou, le maf'oul bihi, c'est lafzul jalala. Et non, c'est le maf'oul bihi du ism fa'il mukhlisin. Quel mukhlisin ici, c'est un ism fa'il. Et ici, parce qu'il est hal, eh bien, comme on dit donc, dans le nahou, yarmal amal fial, il fait l'action de l'action du verbe. Donc, il a un fa'il, et là ici, il a un maf'ul bihi qui est ad-din. C'est-à-dire que mukhlisin lahu ad-din, et mukhlisin ad-din lahu lillah. C'est-à-dire qu'on va purifier, c'est-à-dire qu'on va seulement faire la religion pour lui. La religion, elle est que pour Allah, Azzajal. Hunafa! Et hunafa, c'est un deuxième hal de comme mukhlisin. Et Hunafa, c'est le pire de Hanif, comme on vient juste de dire avant. Min al-Hanifiyya. Donc, Hunafa, c'est le pire en étant quoi? Et en s'éloignant du shirk pour aller vers le tawhid, en s'éloignant du polythéisme pour aller vers le monothéisme, en s'éloignant du batil, du nul, pour aller vers l'adala, la justice. Ensuite, le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah. Pour ce verset, comme je veux dire, donc tout ce qui est juif et chrétien, on leur avait leur prophète d'avant, que ce soit Issa, Jésus, alayhi salam, ou Moussa, ou Ibrahim, ou autre, alayhi salam, leur première da'wa, la première chose qu'ils demandaient à leur peuple, c'était d'adorer Allah Azzawajal seul, comme c'est encore inscrit dans la Bible. Eh oui, d'ailleurs, Inch'Allah, on pourra pas citer quelques versets de la Bible qui est de nos jours. Où il est clair que l'adoration d'Allah Azzawajal est demandée. Ensuite, le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, a dit, wa min as-sunnah, et parmi la sunnah, la preuve, comme quoi l'ikhlas est une condition, parmi la sunnah et parmi le hadith, le hadith thabit, le hadith qui est fixé, qui est bien dans quoi? C'est sahih, dans le sahih. Et là aussi, encore, donc, le cheikh Mohammed ibn Wahhab, rahimahullah, on utilise le mot as-sahih, donc je répète encore une fois de plus que quand on utilise le mot as-sahih dans ce contexte-là, dans le contexte du hadith, ça veut dire soit que ce hadith qui arrive il est dans le Bukhari, soit il est dans Sahih Muslim, ou soit il est dans les deux, c'est-à-dire soit il est muttafaqun alayhi. Donc dans le Sahih, An Abi Hurayrata, d'ailleurs, je vous dis, ici c'est le Sahih, il est dans le Sahih de Al-Bukhari, donc de Abi Hurayra, An Nabi sallallahu alayhi wa sallam, donc du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ceci. أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبي أو نفسي. هذا في اختلاف من الروايات. Oui. Donc, excusez-moi. أسعد الناس بشفاعتي. Le plus heureux des hommes pour mon intercession, par mon intercession. من قال لا إله إلا الله. Et celui qui dit لا إله إلا الله خالصا من قلبي. Mais quoi? خالصا من قلبي. Ça c'est aussi un hal. Celui qui dit لا إله إلا الله mais en étant quoi? خالصا من قلبي. Parce que cette parole-là, خالصا من قلبي. Il faut que ça soit pur, que cette parole soit véridique, soit pure de son cœur. C'est-à-dire qu'il faut qu'il n'y ait vraiment aucun shirk au nefsihi ou de soi-même. Parce qu'il y a une divergence dans les versions. Nous allons maintenant lire la notation. Donc, bien sûr, comme je l'ai dit, ce hadith est dans Sahih al-Bukhari, c'est le numéro 99. Al-Ikhlas al-Munafi al-Shirk al-Akbar wa kadha al-Shirk al-Asghar. Donc l'Ikhlas. La sincérité, ici, la sincérité, c'est-à-dire qu'on peut aussi traduire par la pureté, dans le sens il faut que le tawhid soit pur, il faut qu'il soit touché par aucun shirk. C'est pour le shirk. C'est-à-dire qu'il soit pur, d'accord, il ne soit touché par aucun shirk. Que ce soit le shirk akbar, le politisme majeur qui fait sortir de l'islam, donc la personne, quoi qu'il fasse, est mécréant, sauf s'il se repent de ce shirk akbar. Et de même pour le petit shirk, mais comme vous le savez, le petit shirk, la personne ne sort pas de l'islam, est toujours musulman. S'il ira en enfer, il ne sera pas éternellement, d'accord. Mais l'action où ce shirk azra, où ce petit shirk est fait, cette action-là, elle est annulée. Et il n'est plus récompensé, mais il a un péché pour cette action-là. Et le shirk azra, par exemple, et avant tout, c'est aussi le fait de se faire voir. D'accord. D'ailleurs, on va en parler, Inch'Allah. Plus en détail quand on va étudier un épître du cheikh Mohammed Wahab, rahimahullah, quand il va détailler les sortes de shirk. Une autre sorte de shirk, قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك رواه أبو داود وصححه الألباني. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, celui qui jure par autre qu'Allah alors a certes fait du polythéisme. D'accord. Et là, c'est du polythéisme mineur, du shirk azghar, c'est-à-dire qu'il ne se fait pas sortir de l'islam. Sauf, mais sachez bien, sauf si il a une croyance spécifique, et là ça va devenir du shirk akbar. Par exemple, comme font certains soufis, je ne dis pas tous les soufis, mais certains soufis, et d'autres personnes qui ne sont pas soufis mais qui le font aussi, voilà, yadou billah, ils vont jurer. C'est-à-dire que quand ils jurent par Allah, ils n'en ont rien à faire qu'ils ont menti ou pas. D'accord. Quand ils jurent par Allah, ça se trouve, ils vont mentir. C'est-à-dire que par exemple, on va lui dire, est-ce que c'est vrai que tu as dit ceci? Il va jurer, non, je jure par Allah que je ne l'ai pas dit. Alors qu'en fin de compte, il a dit, il ment, en jurant par Allah. Mais si on dit, jure par le Wali Fulan, jure par le saint qui est dans la tombe, celui où tu aimes bien aller faire. Des invocations sur la tombe, tout ça. Jure par lui comme quoi tu ne l'as pas dit, et là il pourra pas. Il va être bloqué. Pourquoi? Parce que pour son saint, pour la personne dans laquelle qui est dans une tombe, il ne pourra pas mentir en jurant par cette personne. Par contre, pour Allah, ça ne lui fait rien du tout. Cela prouve une chose, c'est qu'il a fait un tarzim, donc il a glorifié cette personne plus que Allah Azza wa Jal. Il aime cette personne plus qu'Allah Azza wa Jal d'un amour de l'adoration. Et à ce moment-là, le jurement par autre qu'Allah Azza wa Jal est du shirk akbar. Voilà. Sinon, à la base, c'est du shirk asghar. Il y a ma, voilà. Je reviens au texte de base. Donc le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab rahimahullah a dit wa fi sahihi an Itban ibn Malik radiyallahu anhu. Donc dans le sahih, donc aussi dans le sahih de ce sahabi qui s'appelle Itban ibn Malik radiyallahu anhu, an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, donc du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. Donc certes Allah a rendu haram à l'enfer, au feu, donc l'enfer, donc c'est interdit à l'enfer de prendre qui de, donc à ce que l'enfer châtie qui من قال لا إله إلا الله, ce qui a dit لا إله إلا الله. Et cette phrase verbale, c'est aussi ce qu'on appelle jumla halia, c'est une jumla, c'est un hal. Il dit ceci, mais quand il dit la ilaha illallah, il désire et il demande, parce qu'abtari c'est l'irada ou talab, c'est le fait de vouloir et demander, bidalika par ceci, par cette parole, wajhallah, il veut la face d'Allah azza wa jal, il veut Allah par cette parole. D'accord? Il ne veut pas faire quelque chose de la dunya. Ce hadith est muttafaqun alayh, donc il est dans Sahih Bukhari au Muslim. Dans le Bukhari au numéro 425 et dans le Sahih Muslim, il est au chapitre 5 et au sous-chapitre 47. On dit Kitab Khamsa, Wabab Sabaw Arbaoun. Ensuite, le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, Rahimahullah, a dit Walinnasa'i fi Al-Yom wa Layla. Ça, c'est le titre du livre. Al-Yom wa Layla. C'est pour ça qu'il est Marfour. Je l'ai laissé Marfour. J'ai pas marqué filia au milieu ou laïla, mais je joue. Donc pour Nasaïd, Nasaïd, bien sûr, c'est un des quatre rapporteurs des hadiths qu'on appelle Ashab Sunan. Les quatre qui sont Abu Daoud, At-Tirmidhi, An-Nasaï ou Ibn Majah. Donc, c'est-à-dire que dans le livre de Sunan de An-Nasaï, excusez-moi, non, pour Nasaï, mais c'est pas dans son livre Kif Staffurlawi. Ce n'est pas. C'est-à-dire qu'An-Nasaï, c'est. Un des quatre personnes, comme je viens de vous dire, qui un de ces livres qui s'appelle Sunan, d'accord, un de ces livres fait parmi les quatre livres qui sont une référence après notamment le Bukhari Muslim, comme je viens de dire, et les quatre livres de son quatre personnes, Abu Dawud, Tirmidhi, An-Nasa'i ou Ibn Majah. Ouais, mais An-Nasa'i, il a écrit d'autres livres que ce livre à Sunan qui se trouve qu'on appelle aussi dans le Sittat al-Ummahat. Les six références dans du hadith, d'accord. Il a écrit un autre livre qui s'appelle Al-Yom wa Layla. Et ce hadith-là se trouve dans Al-Yom wa Layla. Donc on va lire ce hadith. Mark, par contre, comme on va voir à la fin, ce hadith, il est. Al-Albani, rahimallah, a dit qu'il était. Ce hadith était barif, était faible, voire comme il a dit, comme dans le Munkar. Donc il est. Munkar, c'est-à-dire qu'il est vraiment faible, c'est-à-dire qu'il contredit. Ce qui est plus quelque chose qui est sahih ou qui est authentique, mais pas tout le hadith, une partie du hadith, d'accord. Donc il faut faire attention à ce hadith, mais on va quand même le lire parce qu'il est dans le livre du cheikh Mohammed ibn Wahhab rahimahullah, min hadith ar-rajulayn min as-sahaba an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est un hadith qui est de deux sahabis, d'accord, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له. Celui qui dit il n'y a pas de divinité par droit sauf Allah. وحده seul, لا شريك له. Pas d'associé à lui. Donc c'est pour certifier seul. لا شريك له. Il n'a pas d'associé à lui dans cette adoration. له الملك. À lui, الملك, la souveraineté. C'est-à-dire qu'il possède tout ce qui est dans sur terre et dans les cieux, dans tout ce qui est dans tout l'univers. Il possède tout. Rien ne lui échappe. Voilà où le hamd, et à lui la louange, à lui revient la louange. Wa huwa ala kulli shay'in qadir, et il est capable de faire ce qu'il veut. Il est capable de faire chaque chose. Mukhlisan biha qalbuhu. En étant quoi? Donc il va dire ça. Toutes ces paroles-là, la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahu al-mulku wa lahu al-hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir, excusez-moi. En étant quoi? Mukhlisan nabiha, en étant sincère, c'est-à-dire pur, c'est-à-dire qu'il est sincère. En fait, cette parole-là, kolbuhu, c'est son cœur, bien sûr, qui est sincère. Yasduku biha lisanu, et que sa langue, Yasduku, est véridique quand il le dit. C'est-à-dire qu'il ne le dit pas, mais en plus, ça, il ne va pas avec sa langue dire autre chose qui va contredire cela. Illa fatakallahu laha sama fatqan. Sans que Allah ouvre, va faire, mettre une brèche, ouvre pour cette parole-là, donc il va ouvrir le ciel, hatta yanzura ila qailiha, jusqu'à ce qu'il regarde à celui qui a dit ça, min ahli al-ard, parmi les gens de la terre. Ensuite, le prophète aurait dit, parce que comme je dis, par contre là, c'est apparemment c'est la fin du hadith, il est da'if. Wa haqqun li 'abdin nazara Allah ilayhi an yu'tiyahu su'la. Et c'est un droit pour l'esclave, si Allah azawajal le regarde, à ce qu'il lui donne sa demande. Voilà. Ce hadith, vous le trouvez notamment dans Ad-Da'if, dans le livre qui s'appelle As-Silsatul Hadith Ad-Da'ifa de Albani, au numéro 6617. Et donc il a dit qu'il est Munkar bi'adat tamam. Ce hadith est donc Da'if, mais parmi les plus. Parmi comment elle est. Est plus bas du degré du da'if, parce qu'il dit qu'il est munkar, et munkar c'est un terme d'un hadith, c'est-à-dire qu'il contredit la chaîne de transmission et hadith, et da'if, et en plus il contredit ce qui est plus authentique, en disant munkar bihadat tamam, mais comme il a dit bihadat tamam, c'est-à-dire avec ce complément, c'est-à-dire que le complément avec la fin. Ensuite, dalil al-sidqa. Maintenant nous rentrons dans la condition de la véracité. Wadalil, donc le cheikh Mohammed ibn Abdil Wahhab rahimahullah a dit Wadalil au sidq est la preuve de la véracité, comme quoi la véracité c'est une condition. Qaluhu ta'ala, la parole, sa parole, Allah azza wa jal, alif lam mim. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم وليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. C'est le début de la sourate Al-Ankabut. Al-Kabut qui veut dire l'araignée, donc du verset 1 au verset 3. Et vous traduisez Alif Lam Mim, donc il y a ces trois lettres de l'alphabet qui commencent. D'accord, Alif Lam Mim. Ensuite Allah Azza wa Jalla a dit Ahasib an-nas an yutraku. Est-ce que les gens pensent qu'on va les laisser, qu'on va laisser dire Amanna, nous avons cru. D'accord. Est-ce que les gens pensent que nous allons les laisser dire nous avons cru, wahum la yuftanoun, sans qu'ils soient yuftanoun min al fitna, et la fitna ici veut dire l'épreuve, sans qu'ils soient éprouvés. Donc chers frères et sœurs, sachez que le croyant et la croyante, le musulman et la musulmane, sera éprouvé dans cette dunya. Éprouvé pour savoir si oui ou non, quand il dit La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, il est véridique ou pas. Car il se peut que même parmi nous, certains pensent qu'il est véridique. Mais en fin de compte, il ne l'est pas. Voilà, yaz billah. Ouais, certains sont les munafiqoun, bien sûr, ceux qui le. Parmi eux, plutôt la sœur de munafiqoun qui le savent. Mais là, je parle surtout à ceux qui pensent, qui croient vraiment. Et viendra ou vient l'épreuve d'Allah Azza wa Jal pour voir si cette prétention de l'iman, de la foi, de l'islam est vraie ou pas. Et il envoie une épreuve d'où on ne s'attend pas, une épreuve qui peut être très dure, comme par exemple, ça peut peut-être arriver à certains d'entre vous, je m'en excuse, mais je donne par les exemples la perte d'une personne proche, comme une mère, un père, ou un fils, une fille, ou toute une famille, par exemple, décimée dans un accident de voiture. Je suis désolé si ça peut, rappeler des mauvais souvenirs à certains d'entre vous, ou par des conditions plus horribles, par exemple une famille qui est brûlée par le feu et cette personne qu'une seule a pu se sauver et a vu sa famille en train de hurler dans les flammes, c'est une épreuve terrible. Ça doit être, personnellement, je n'ai pas eu de ce genre d'épreuve, mais j'imagine la place de cette personne, ça va être une épreuve terrible. Et le shaitan doit bien sûr en profiter. Il doit venir et dire, par exemple, regarde, si Dieu était là, pourquoi n'a-t-il pas sauvé ta famille alors qu'ils sont musulmans, etc., etc., etc. Les épreuves sont parfois très difficiles, il faut faire attention. Donc Allah Azzawajal a dit, est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire, ah maintenant, nous avons cru, sans être éprouvés? Ou alors, qad fatanna alladhina min qablihim, et certes, nous avons éprouvé ceux qui étaient avant. Pourquoi? Afin que Allah sache ceux qui sont véridiques, qui ont dit la vérité. Et qu'il sache ceux qui sont menteurs dans leurs prétentions de l'islam, de l'iman. Ensuite, Allah a dit, là donc le Cheikh Mohammed Ibn Wahhab, c'est un autre verset, comme preuve de la véracité, c'est-à-dire qu'il faut être véridique quand on dit la ilaha illallah. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر. Et parmi les gens, il y a ceux qui disent, nous avons cru en Allah et au jour dernier. وما هم بمؤمنين. Alors qu'ils ne sont pas croyants. Et là, Allah Azza wa Jalla parle des munafiqoun. Là, nous sommes au début de la sourate Al-Baqarah. Là, c'est le verset 8. Sachez que les premiers versets de la Baqarah, ça décrit les croyants. Les premiers versets de Al-Baqarah, donc de la deuxième sourate, qui s'appelle la vache en français, généralement on traduit par la vache, d'accord. Les cinq premiers versets, ça décrit les croyants. Si vous ne l'avez pas encore fait, lisez, ça ne dure pas longtemps. Vous avez les cinq premiers versets, c'est une description des Al-Mu'minoun, des croyants. Ensuite, après ces cinq premiers versets, il y a deux versets seulement, qui décrit qui? Al-Kafiroun, les mécréants. C'est très simple, les mécréants, deux versets seulement. Et ensuite, Allah Azza wa Jal, il va donner une multitude de versets. Il va donner 13 versets. 13 versets pour décrire qui? Al-Munafiqoun. Al-Munafiqoun, ces hypocrites, c'est-à-dire ceux qui disent qu'ils sont musulmans, qui font les actes de l'islam, et qu'en fin de compte, qui cachent leur mécréance, pour diverses raisons. Par exemple, je vais citer deux raisons qu'on peut trouver. Une personne qui est née dans une famille musulmane, d'accord, donc il grandit dans une famille musulmane, et quand il atteint la puberté ou autre, on va dire qu'on va être, il va avoir 20 ans, en fin de compte, il ne croit plus en l'islam. D'accord, il ne croit plus en l'islam. Il dit, oh, cette religion, elle est fausse, etc. Il va croire ce que disent les journalistes ou autres, toute cette propagande, bref, ou les deux, d'accord. Mais il regarde autour de lui, dans sa famille, tout le monde est musulman. Si jamais il déclare comme quoi il est plus musulman, il se dit, je vais avoir plein de problèmes, on va me rejeter. Je suis amoureux d'une musulmane, mais en islam, la musulmane n'a pas le droit de se marier avec un kafir, avec un mécréant, surtout s'il est murtad, apostat. Donc qu'est-ce que je fais? Eh ben, je vais cacher ma mécréance et je vais faire croire à tout le monde que je suis toujours musulman. Ça, c'est un munafiqa. Parmi les pires espèces des munafiqoun, car il cache sa mécréance, il fait apparaître l'islam, d'accord. Deuxième cas qu'on peut trouver aussi, ben je vais sortir de peuple, entre guillemets, on va prendre par exemple une personne qui est d'origine, donc qui n'est pas née dans une famille musulmane, mais dans une famille mécréante. On va dire par exemple dans une famille chrétienne. Et à 20 ans, qu'est-ce qu'il fait? Il est devenu amoureux d'une musulmane. Et bien voilà, une musulmane ne peut pas se marier avec un mécréant, chrétien, juif ou autre. D'accord? Et il apprend ceci, mais lui il veut absolument se marier. Et l'amour de cette femme va lui faire faire du nifaq, va le rendre munafiq. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va se déclarer musulman, donc il va faire la shahada et tout ça, donc tout le monde va penser qu'il est musulman, et on n'a pas à rentrer dans ce cœur, on ne sait pas, c'est comme ça. Et ça c'est la loi d'Allah Azza wa Jalla, et il faut l'accepter. Comme on accepte pour l'autre qui cache sa mécréance alors qu'il a vécu, qu'il est né au milieu d'une famille musulmane, on ne peut pas ouvrir les cœurs. Comme pareil pour cette personne qui est née dans une famille mécréante, de parents chrétiens ou juifs, hein, ça nous peu importe, ou bouddhistes ou je ne sais quoi, eh bien, il va devenir musulman, il va se convertir. Mais ce n'est pas pour Allah, Azzawajal. Et dans le sens, quand je dis c'est pas pour Allah, je veux dire qu'en fin de compte, il n'est pas mécréant. Parce que ça se trouve, il faut bien le savoir, ça se trouve, une personne peut tomber amoureux d'une musulmane, et pour se marier avec elle, il va devenir musulman, donc il va se renseigner sur l'islam, puis en fin de compte, il va voir que c'est vrai, et puis lui, et là, eh ben, il va vraiment devenir musulman. Fait qu'en fin de compte, il va être convaincu, et donc il aura l'islam, et en plus, il aura la femme avec laquelle il était amoureux. Je ne rentre pas dans la chose aussi, c'est un exemple. Bien sûr, une femme musulmane, mais toute femme n'a pas le droit d'avoir de relations, même amicales ou autres, avec un homme. Ça, donc, ça, c'était cette chose-là, c'est comment dire, ça rentre dans le haram, mais ce n'est pas le but voulu de mon exemple. D'accord? Mais, donc, par contre, l'autre, qui va devenir musulman, mais en fin de compte, qu'il est toujours chrétien à l'intérieur de lui, ou athée, d'accord? Et qu'en fin de compte, il fait apparaître son islam seulement pour pouvoir se marier avec celle qui est tombé amoureux et qui est une musulmane. D'accord? Donc ça, c'est un munafir parmi les pires munafiqoun qu'il peut avoir aussi. Mais que les pires munafiqoun, ce n'est pas vraiment eux les pires. Hein. S'ils ne font pas de mal contre l'islam, ce n'est pas les pires. Les pires des munafiqoun, c'est ceux qui cachent leur mécréance, qui font partie de l'islam. Mais pourquoi? Pour pouvoir détruire, enfin, d'accord? Pour pouvoir attaquer l'islam de l'intérieur. Pire des munafiqoun, c'est eux. Parce que les deux munafiqoun, les deux sortes de munafiqoun que je vous ai cités et qu'on peut trouver en France ou en Belgique ou ailleurs, hein, vous savez, concrètement, ils ne font du mal qu'à eux-mêmes. Tant qu'ils cachent ceci et qu'ils n'appellent pas leur mécréance, ils font du mal qu'à eux-mêmes. D'accord? C'est très grave ce qu'ils font, mais ils iront en enfer s'ils meurent ceci. Mais leur mal, il est réservé à eux-mêmes. Les pires des munafiqoun, c'est ceux qui cachent leur mécréance, qui font apparaître un islam, qu'il soit né d'une famille musulmane ou né d'une famille chrétienne, peu importe, mais qui font ceci afin de détruire l'islam de l'intérieur. C'est-à-dire qu'ils rentrent dans l'islam, qu'ils sont dans l'islam, voilà, et ils vont changer, ils vont faire des choses, ils vont dire non, l'islam, ça c'est haram, non, ceci c'est halal, et ils vont faire des choses où ils vont tuer certaines personnes, certaines femmes musulmanes, afin que la darwa ou que le djihad ne se fasse pas, etc. Ce sont les pires des munafiqoun. D'accord? Donc nous continuons, Inch'Allah. Qui est donc le verset numéro 8 de la sourate Al-Baqarah. Et là aussi, donc, je vous dis, allez lire donc, ces premiers versets de sourate Al-Baqarah. Allah Azzawajal vous décrit en 5 versets qui sont les mécréants, les astaghfirullah, les croyants, les mouminoun. Il faut faire partir d'eux. Ensuite, il donne deux seulement versets des Al-Kafiroun. Les koufars, ils sont comme ça, deux versets, tac, c'est fini. Et après, il faut bien expliquer parce que c'est compliqué. Les munafiqoun, c'est compliqué parce qu'ils cachent, d'accord? Ils cachent. Et il y a 13 versets. Lisez, c'est très important, c'est très intéressant et ça profite beaucoup. Et là, nous prenons donc un verset parmi ces 13 versets, qui est le verset numéro 8 de la sourate Al-Baqarah, où Allah dit: Wa minan nas man yaqulu amanna billahi bil yawmil akhir. Et c'est donc notamment le premier verset parmi ces 13 versets. Et il y a parmi les gens, il y a ceux qui disent amanna billah wal yawmil akhir, nous croyons en Allah et son jour dernier, wa ma hum bimuminin, alors qu'ils ne sont pas croyants. Yukhadi'un Allah wal ladina amanu, ils trompent Allah et ceux qu'ils ont cru. Wa ma yakhda'un illa anfusahum, et ils ne trompent qu'eux-mêmes. Eh oui, ils se trompent qu'eux-mêmes parce que Allah azza wa jalla est véridique, sa religion est véridique, l'enfer et le paradis est véridique. Et quand ils mourront, ces gens, s'ils ne font pas le taouba, sans pas le repentir, ils verront qu'en fin de compte, ils ne ont fait du tort qu'à eux-mêmes et que Allah les a laissés faire ceci, car ceci les enfonce encore plus en enfer. Et ils ne le ressentent pas, d'accord? Et en fin de compte, je reviens juste un petit peu en arrière du verset, wa ma yakhda'un illa anfusahum wa ma yash'urun. Et ils ne trompent qu'eux-mêmes, alors qu'ils ne le ressentent pas. Fi qulubihim marad. Et dans leur cœur, il y a une maladie. Comme je l'ai dit avant, quand dans le Coran, et là c'est justement la preuve, quand dans le Coran, Allah Azzawajal, il dit que ce peuple a une maladie dans leur cœur, ça veut dire quoi qui? Les munafiqoun, fi qulubihim marad, et dans leur cœur il y a une maladie. Fazadahumullahu marada, alors Allah les augmente en maladie. Wa lahum adhabun alimun bima kanu yakdhibun, et à eux un châtiment douloureux pour ce quoi ils mentaient. Eh oui, ils mentaient croyants. Allah Azza wa Jalla, qui sont les munafiqoun, il sait ce qu'il y a dans les cœurs de chaque personne, il sait mieux que nous-mêmes ce qu'il y a dans nos propres cœurs. Mais ils mentaient aux croyants sur terre. Ensuite, le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, a dit, et parmi la sunna, c'est-à-dire parmi les hadiths, comme quoi, la vérité est une condition de la ilaha illallah, ma thabata fi sahihayn, ce qui a été fermement établi dans les deux sahihs. Donc là, il le dit, fi sahihayn, ça veut dire quoi, sahihayn, les deux sahihs, bah, sahih Bukhari, ou muslim, an Mu'adh ibn Jabal, de ce sahabi qui s'appelle Mu'adh ibn Jabal, son père s'appelait Jabal. Radiallahu an Nabi sallallahu alayhi wa sallam, donc du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sikkan min qalbihi illa haramallah illa, excusez-moi, illa haramahullahu ala an-nar. Il n'y a pas seule personne qui témoigne qu'il n'y a pas de divinité par droit sauf Allah, et que Mohammed est son esclave et son messager, c'est comme une colbi, d'une véracité de son cœur, c'est-à-dire qu'il disait ça, mais qu'il est son cœur, c'est vrai, c'est-à-dire qu'il ne cache pas, c'est pas munafiq. Illa haramahu Allahu ala an-nar, sans que Allah le rende haram au feu, c'est-à-dire sans que Allah l'interdise de rentrer en enfer, qu'Allah Azza wa Jalla nous interdise l'enfer. Ce hadith-là, le cheikh Mohammed ibn Wahhab, rahimahullah, a dit qu'il était dans les deux sahih. Mais il apparaît qu'il est seulement dans le sahih de Bukhari. C'est une erreur. Apparemment, c'est une erreur du cheikh Mohammed ibn Wahhab, rahimahullah. Si quelqu'un sait où il se trouve dans le sahih musulman, et qu'il me le fasse parvenir, ça serait gentil de sa part. Jazahullah khairan. Mais ce que je sache, il est seulement dans le sahih al-Bukhari. C'est le numéro 128. Ensuite, on va lire un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam: Inna as-sidqa yahdi ila al-birr. Certes, la véracité, donc le fait de dire toujours la vérité, certes, la vérité yahdi ila al-birr, guide au bien. Wa inna al-birr yahdi ila al-jannah. Et le bien guide vers le paradis. Qu'Allah Azza wa Jalla nous mette parmi les véridiques. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Wa inna rajula la yasduku hatta yakuna siddiqa » Certes, l'homme est sincère, est véridique, pas sincère, excusez-moi, est véridique, toujours véridique, il est toujours en vérité « hatta yakuna siddiqa » jusqu'à ce qu'il devienne siddiqa, un véridique. Et après, il a dit « Wa inna al-kadiba yahdi ila al-fujur » Et certes, le mensonge guide et al-fujur. Fujur, c'est le contraire du bien, donc on va dire le mal. Wa inna al-fujur yahdi ila an-nar wa yadhu billah. Et certes, le fujur, donc le mal, le fujur, c'est le fajr yafjuru, qui est un peu qui est comme fasaq yafsuqu fusuq, c'est le fait de transgresser. Donc, guide vers l'enfer. Wa inna rajula la yakdhibu hatta. Et donc l'homme ne cesse de mentir jusqu'à ce qu'il soit écrit auprès d'Allah comme menteur. Et là c'est écrit. Qu'est-ce que c'est comme si on avait plus envie. Alors qu'avant pour le sel c'était Yakun, qu'est-ce qu'il soit. Mais quand on ment, c'est comme si le fait de mentir toujours, c'est plus dangereux. Comment dire, ça a plus d'effet que de comment dire, de dire la vérité. Pourquoi? Parce que c'est dire de toujours la vérité. C'est assez difficile qu'Allah Azza wa Jal nous mette parmi les véridiques. Et ce hadith, c'est Muttafaqun alayh. Maintenant, nous allons lire dans Surat Al-Anbiya, la Surat des Prophètes, le verset 90, Inch'Allah. Une partie du verset 90. Innahum, certes eux, en parlant des prophètes, kanu yusari'una fil khayrat. Ils s'élançaient vers les biens, vers les actions du bien. وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا Et ils nous invoquaient, ils nous priaient. رَغَبًا وَرَهَبًا رَغَبًا, c'est-à-dire avec envie, d'accord, Rahaba avec crainte. C'est-à-dire qu'il faut avoir envie du paradis, envie de la miséricorde d'Allah, il faut craindre le châtiment d'Allah, il faut craindre son feu, l'enfer. وكانوا لنا خاشعين. Et ils étaient pour nous خاشعين, c'est-à-dire humbles. Nous nous arrêtons ici, inshallah. Et le prochain cours, bi'iznillah, sera pour la preuve de al-mahabba, de l'amour. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفر الله وأتوب إليه.